On va parler de curling. L'équipe de Mélina Perron de Dolbeau-Mistassini tentait de conserver leur couronne de champion québécois et ainsi représenter le Québec au tournoi des Cœurs qui aura lieu bientôt, en curling évidemment. Et ça a été une défaite au cours en finale. Par contre, ils n'ont pas à être déçus de leur performance. On en parle avec l'instructeur Joël Gagné. Salut Joël. Oui, bonjour monsieur. Joël, d'abord, est-ce que je me trompe en disant que ça devait être plus dur cette année, hein? L'effet nouveauté, l'effet surprise, je me rappelle d'avoir fait des entrevues l'an passé. Personne ne s'attendait à gagner, vous y allez pour le fun, puis vous vous ramassez en Colombie-Britannique. Cette année, la pression devait être tout autre. Là. Oui, bien, en fait, tout à fait. Là. Cette année, le fait d'être championne en titre, ben on est comme un peu attendu par les adversaires. Là. On était cinq équipes, puis sur papier, moi, je pense que c'était pratiquement un coup de dé qui allait sortir champion de cette semaine-là. On a réussi. Le premier objectif, c'était de passer au travers de la ronde préliminaire, ce qu'on a réussi en terminant deuxième, parce que il y en a seulement trois qui poursuivent. Là. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en demi-finale, où on a quand même disputé un bon match. Puis donc, on s'est rendu à la finale. Moi, je pense qu'on peut être fiers, parce que les filles ont très bien défendu leur titre quand même. Là. Ça s'est décidé à la dernière pierre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, cinq équipes pour un tournoi des cœurs, qualification des cœurs, c'est pas beaucoup. Pourquoi, hein? C'est pas beaucoup. J'ai de la misère à m'expliquer moi-même qu'est-ce qui se passe au curling féminin au Québec là, dans les frais de championnat. Parce que sur les cinq équipes, il y en avait deux juniors. Hein, Il y avait trois équipes de femmes là, de plus de 21 ans, si on veut. Puis on était deux équipes juniors. Puis ironiquement, c'est les deux équipes juniors qui se sont retrouvées en finale. Là. Ouais. Dans le junior, ce qui arrive, c'est que nous, les deux équipes qu'on était là, c'est des équipes que ça fait 6, 7, 8 ans que ça joue du curling. Mélina de Dolbeau, elle, ça, je pense c'est la quatrième année peut-être qu'elle est avec nous. C'est des équipes qui pratiquent, qui ont fait beaucoup de compétitions. Les autres équipes de femmes, ben souvent, oui, ils en ont fait de la compétition, mais des fois, il y a des changements dans l'équipe plus d'année à chaque année, tout ça. Peut-être qu'ils ont moins de temps de pratiquer. Il y en a qui ont des enfants, la famille, le travail, c'est autre chose. Ouais. Nous, au niveau junior, ben il faut combiner avec les études. Les filles travaillent un peu aussi. Là, il va arriver la période universitaire. Il reste une année junior l'an prochain. Il y a encore l'objectif de peut-être retourner à un Canadien junior, là, parce que cette année, c'était peut-être le premier objectif. C'était pas nécessairement de retourner aux Scotties, mais c'était d'aller au championnat junior canadien. Puis on l'a perdu aussi à la toute dernière pierre là, à Chapeau au début janvier. Fait que nos deux championnats provinciaux, cette année, on les a perdus à la dernière pierre. C'est toujours un peu décevant, mais c'est quand même un exploit de se rendre jusque-là puis de lutter jusqu'à la toute fin contre les autres équipes qui tentent aussi, eux, de remporter les honneurs puis d'aller plus loin. C'est quand même, il se passe quelque chose pareil, parce que ce que tu me dis là, qu'il y a deux équipes juniors, ça veut dire que les juniors sont pratiquement aussi forts que les seniors. Il y a quelque chose, là, tu sais, me semble, en tout cas. Oui, comme je disais, j'ai de la misère à m'expliquer quel phénomène qui peut se passer présentement au Québec, là. C'est difficile à concevoir, parce que en réalité, écoute, chez les hommes, il y a des qualifications, il y a un système de pointage. Il existe aussi chez les dames. Sauf que comme il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'équipe, comme là, on était cinq équipes inscrites, on se retrouve automatiquement au championnat provincial. S'il y avait plus de huit équipes, il y aurait des qualifications puis une sélection qui se ferait aussi. OK. Est-ce que l'équipe est meilleure que l'année passée à pareille date? Selon vous, l'expérience que vous avez acquise, on dit tout le temps que se battre contre les meilleurs, on devient meilleur. Est-ce que vous pensez que l'équipe de cette année est meilleure que jusqu'à maintenant qu'à pareille date l'an passé? Ben, le curling étant ce qu'il est, meilleur. En fait, c'est d'arriver au top de sa. Ses performances lorsque c'est le temps. Hein. Moi, il y a des fois, ils connaissent des mauvaises parties, mais dans des tournois de moins d'importance ou dans des ligues, ben, disons que c'est moins grave. Regarde, c'est correct, on essaie des choses, puis c'est un peu normal des fois. C'est quand on arrive en compétition, ben, ce qu'on souhaite, c'est que les filles soient toutes au maximum de leur forme pour performer. C'est sûr que sur un tournoi comme en fin de semaine, on a joué 10 parties. La semaine dernière plutôt. Sur les 10 parties, c'est normal, on peut pas jouer d'excellentes parties à chacune de ces 10 parties-là. Par contre, l'important, c'est quand il y a une joueuse qui va un petit peu moins bien,